بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكوتينيون إن شاء الله تعالى nos cours de tafsir et nous avons terminé la semaine dernière بفضل الله سبحانه وتعالى تفسير سورة العلق. Et donc nous continuons à avancer inshallah ta'ala dans Juz Amma et nous allons aujourd'hui voir tafsir sourate At-Tin. Fa qala Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wat-Tin waz-Zaytun wat-Tur-Sinin wa hadhal baladil amin. Donc, on a vu le basmala dans les cours précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure. Allah subhanahu wa ta'ala jure ici par quatre choses. Par quatre choses. Et je vous rappelle, comme on l'a vu dans surat Al-Asr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Contrairement à nous, créatures, on ne doit jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala et par personne d'autre. Mais Allah azza wa jal jure, lui, par ses créatures. Comme ceci est présent dans de nombreux versets dans le Coran. Donc ici, Allah azza wa jal, jure par quatre choses. Bittin. والتين هو الثمر المعروف التين c'est le fruit qui est connu peut-être pas trop ici au Sénégal qu'on appelle la figue c'est un fruit qui pousse surtout dans le bassin méditerranéen dans les pays du Maghreb, dans les pays du Chem, au Moyen-Orient, également en Espagne, dans le sud de la France, etc. Et ceux qui ne connaissent pas ce fruit, j'en suis sûr que si vous tapez sur Google « figue », vous verrez à quoi ressemble une figue. Ensuite, il jure par « waz-zaytoun ». Zaytoun ma'rouf, l'olive. Faqala Ibn Jarir rahimahullah ta'ala wa sawab min al-qawl fi dhalika 'indana qawl man qala at-tin huwa at-tin alladhi yu'kal والزيتون والزيتون الذي يعصر منه الزيت. Ibn Jarir, l'imam des mufassirin, l'imam des exégèses du Coran, Ibn Jarir, qui est connu aussi sous le nom de At-Tabari Ahsant, qui est mort en quelle année? 352. Un peu moins. 300. C'est ça, c'est le bon siècle, 311 ou 310. Allahu alam, j'ai oublié, 310 ou 311. Al-Muhim, au début du 4e siècle. Et qui est, comme on a dit, l'imam des Mufassirines, c'est l'imam des exégèses du Coran. Il n'y a pas un tafsir du Coran qui est venu après lui sans qu'il se soit appuyé sur le travail de Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala. Il mentionne Ibn Jarir que ce qui est correct concernant les paroles sur le sens de Wat-Tin wa Zaytoun, parce qu'il y a plusieurs avis sur ce sujet, Que veut dire wat-tin wa zaytoun? Hein, ce qui est correct, hein, c'est la parole de ceux qui disent que tin, hein, c'est la figue, hein, le fruit qu'on mange. Hein, et zaytoun, c'est zaytoun, l'olive avec laquelle, hein, laquelle on presse et qu'on a, on obtient de l'huile. Hein, l'huile d'olive. D'accord? Ceci est la vie le plus juste. Wallahu ta'ala a'alam. Troisième chose par laquelle il jure, wabitur sinin. Hein, le mont Tour. La montagne qui s'appelle Tour, hein, en français, Sinaï. Ou le Sinaï, pardon. Le Sinaï en français, hein, le Sinaï. Hein, donc, Tour et Sinin. On va. Nam, Tour et Sinin. Hein, il y a Al-Jabal alladhi kallama Allahu indahu Moussa sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est la montagne. Hein, où Allah Azza wa Jal a parlé directement à Moussa alayhi salam. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a certes parlé à Moussa de façon évidente ou, hein, directement. Et donc c'était, hein, vers la montagne qu'on appelle Tour. Hein, en Égypte, barakallahu fik. Qui se trouve actuellement en Égypte. Hein, si vous regardez une carte, vous avez l'Égypte. À droite, vous avez l'Arabie Saoudite. Hein? Et entre les deux, vous voyez une espèce de triangle, hein? Comme une péninsule. Ça appartient à l'Égypte. Hein? Et c'est là que se trouve le mont Sinaï. Hein? Au Sinaï. Allah alam comment on prononce en français. Et la quatrième chose, wa hadha al-balad al-amin, يعني مكة. لأن السورة مكية. فالمشار إليه قريب وهو مكة. Et il dit la quatrième chose par laquelle il jure par cette ville. Par cette ville sûre. Hein, par cette ville sûre. Donc cette ville c'est quoi? Mecca. Hein, ici vous voyez qu'il a, Allah Azza wa Jalla a dit, hein, wa hadha. Hadha on appelle ça en arabe ismu ishar. C'est-à-dire un nom, un pronom démonstratif. Comment on dit en français? C'est ça, un pronom démonstratif. Hein? On montre. Wa-hada. Et donc, qu'est-ce qui est montré ici? Hein? C'est ce qui est le plus proche. Et qui est le plus proche? La ville de Mecca. Parce que c'est une sourate mekkoise. Hein? Donc, on sait que c'est, hein, le balad al-amin, c'est Mecca. Fahimtoum? Tayyib. وأقسم الله بهما يعني بالتين والزيتون لأنهما يكثران في فلسطين. Il a juré, hein, donc par le figue, la figue et l'olive, car ces deux fruits, ces deux arbres, hein, sont en profusion en Palestine, hein, dans le Shem. D'accord? وأقسم الله به يعني مكة لأنها أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل. Il a juré également par Mecca, hein, car c'est l'endroit le plus aimé sur terre auprès d'Allah عز وجل. Et c'est l'endroit le plus noble sur terre auprès d'Allah عز وجل. فقال بعض أهل العلم أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول والتين والتين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء وآخر أنبياء بني آدم بني استغفر الله بني إسرائيل هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وبالتور سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله وما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وسلم. Et donc certains savants ont mentionné que Allah Azza wa Jal jure par ces trois choses. Hein, la première, c'est trois ou c'est quatre si on divise la première en deux. La première, hein, c'est les figues et les, la figue et l'olive. Hein, pourquoi? Parce qu'elle se trouve, comme on a dit, hein, en Palestine, au Chem, là où se trouvaient les prophètes. Hein? Comme qui? Comme par exemple Yaqub ou Youssouf. Youssouf, avant d'aller en Égypte, il était où? Palestine. Hein? Et donc les prophètes de Banu Israël se trouvaient où? Les prophètes de la descendance de Ismaïl, de Israël, Israël, je vois, on se rappelle que c'est Yaqub, se trouvait où? En Palestine. Hein? Et que le dernier de ces prophètes, ou plutôt le dernier des prophètes de Banu Israël, c'est qui? Isa alayhi salam. Le dernier des prophètes de Banu Israël, c'est Isa alayhi salam, et il se trouvait où? Au Shem, en Palestine. Là où se trouvent en profusion quoi? Les figues et, et l'olive. Hein? Et ils jurent par Tour Sinin, par le mont Tour, hein, car c'est la montagne sur laquelle ou vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa à Torah. Et ils jurent par cette ville sûre, hein, la ville de Mecca, car c'est dans cette ville qu'Allah azza wa jal a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est l'explication de certains gens de science. Pourquoi Allah jure par ces trois choses ou ces quatre choses? Fahimtoum? وقال العلماء ومعنى قوله والتور سينين أي تور البركة ونعم تور البركة لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. Et التور سينين, c'est-à-dire تور البركة, celle qui a la bénédiction. Hein, parce que Allah Azza wa Jal a décrit cette montagne ou a décrit ce qui est autour de cette montagne comme Al-Wadi Al-Muqaddas, c'est-à-dire une vallée sainte, une vallée sacrée, voilà, jazakallah, c'est un bon mot, sacré. La vallée sacrée, une vallée sacrée. ثم قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et nous avons certes créé l'être humain, hein, sur la meilleure forme. وَهَذَا هُوَ الْمُقَسَّمْ عَلِيهِ. Et c'est ça, hein, le résultat du fait que Allah il a juré. Allah il jure par pourquoi? Allah il jure par ces choses. Pourquoi? Pour un résultat. C'est quoi le résultat? C'est ça. Il jure que quoi? Que certes l'homme a été créé, hein, de la meilleure des ou de la meilleure des façons, hein, voilà, ni de la forme la plus parfaite. Naam. Wa aqsama Allah ta'ala annahu khalaqa al-insana fi ahsani taqwim. Wa hadhihi al-jumla allati fiha al-muqassam alayhi mu'akkada bi thalathati mu'akkadat. Al-qasm wal-lam wal-qad. Et donc Allah Azza wa Jal jure qu'il a créé l'être humain de la façon la plus ou de la forme la plus parfaite. Hein? Et dans cette phrase, Allah Azza wa Jal a mentionné trois procédés ou trois procédés linguistiques, hein, pour affirmer, pour confirmer, pour appuyer. Premièrement, le fait de jurer. Quand tu jures, c'est pour approuver quelque chose, c'est pour appuyer. Wallah, c'est pas moi. Hein? Tu peux dire c'est pas moi, mais si tu dis Wallahi c'est pas moi, yani, c'est vraiment pas toi. Tu appuies, hein? Donc quand tu jures, c'est pour appuyer ta parole. Également il a utilisé le lem, la et le qad, hein, qui sont en arabe, hein, deux moyens d'affirmer et de, yani, de d'appuyer. D'accord. أقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم أي في أحسن هيئة وخلقة. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, hein, l'être humain, hein, de la meilleure, avec la meilleure apparence, hein, avec la meilleure khilqa, yani fitra, avec la meilleure, hein, fitra, yani, il y a un long débat chez les traducteurs en français sur le sens de fitra, la saine nature comme ils la traduisent, hein, ou le caractère inné de la personne, hein, yani ce qui est inné en la personne, hein. Al-fitra, je pense, Allah alam wolof, comment vous dites? Al-fitra. Fitra. Hein? Hein? pas la nature, mais ce qui est inné en la personne, c'est sa fitra. Sa fitra, c'est ce qui est inné en elle. Taïb, al-muhim. Vous avez compris le sens. Vous avez compris le sens. Taïb. Ah, on vous laissera débattre après sur la traduction correcte. Comme nous, on a débattu auparavant en français pour dire hein, qu'est-ce que veut dire al-fitra en français. Comment tu traduis enfin, tu dirais quoi? La nature saine. Hein, voilà, moi j'ai un petit peu. La nature saine, je ne suis pas trop satisfait par cette traduction. Al-Muhim, c'est un long débat, on en reparlera plus tard, Richard. يعني في أحسن تقويم لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة لأن الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et donc pourquoi elle dit ça? Parce qu'il n'existe pas une seule créature qui est meilleur que l'être humain, ni que les fils de Adam, ni que l'être humain, dans justement cette fitra, dans cette chose innée. Il n'existe pas, il n'y a pas une créature sur la terre qui est meilleure que lui, que l'être humain. C'est pour ça qu'Allah dit, nous avons certes créé l'être humain d'une forme parfaite ou de manière parfaite, d'une na'am. De la forme la plus parfaite, yani. ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين. Et ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة كما قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردأ في القوة الجسدية وفي الهيئة الجسدية وفي نضارة الوجه وغير ذلك يرد أسفل السافلين. Donc ici Allah Azza wa Jalla dit, puis ensuite nous le retournons au plus bas, au niveau le plus bas. Et ce retour que Allah Azza wa Jalla mentionne, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'être humain, l'insan, au plus bas des degrés dans sa fitra, dans sa khilqa, yani dans sa saine nature, sa nature saine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi vous, ceux qu'on retourne, dans le plus mauvais, yani, ou dans un âge qui est abject. Et là, il explique, il dit, plus les années passent, et plus la personne, elle change, elle devient de plus en plus faible, de plus en plus mauvaise. Dans le sens où elle perd la force de son corps. Quand tu arrives à 70 ans, tu n'as pas la force que tu as à 20 ans. Plus tu avances et plus tu retournes à un état vil, abject. Également, ton aspect, il change. Tu deviens de plus en plus vieux. Ton corps, il change. Ton visage, il y a les rides, etc. Tu n'as plus cette fraîcheur sur le visage que tu avais lorsque tu étais jeune. D'accord ? Donc Allah il te retourne au plus bas. وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم والآيات تشمل المعنيين جميعا. Également, on peut dire que de la façon la plus parfaite englobe donc la fitra, la fitra à laquelle, avec la, à laquelle pour la, ou, la fitra que Allah Azza wa Jal a créé ses créatures avec, a donné à ses créatures dans la création, hein, également les adorations qui en découlent, de cette fitra. Et donc dans ceci, il y a une indication qu'il y a des gens qui vont retourner, qui vont revenir de cette situation. C'est-à-dire, hein, qu'ils vont retourner au plus bas niveau, alors qu'avant ils étaient, hein, au plus haut niveau. Hein, leur iman était haut, très haut. Leur science était haute. Hein, et ils vont retourner après au plus bas. D'accord ? Au niveau de, hein, de l'iman, de la science, etc. Donc il dit ici, le shir, shir al-Uthaymin, hein, le verset, hein, englobe les deux sens. Les deux sens. Et comme on a dit, et comme on le répète souvent, c'est quoi la règle ? Hein ? Si un verset a deux significations et que ces deux significations ne se contredisent pas, alors on accepte les deux significations pour ce verset. Mais il y a un troisième avis. Il y a un troisième qaul qui est mentionné notamment par Shir. Un Shir de Shir al-Athaymin. C'était qui ? Le Shir de Shir al-Athaymin ? Qui était connu ? Hein ? Là, il y a dans le tafsir. Ah ouais, Saadi, Cheikh Saadi, hein. Cheikh Saadi qui est un des tafsirs contemporains les meilleurs, un des meilleurs tafsirs contemporains, et surtout pour les débutants, c'est le tafsir de Cheikh Saadi. Hein, un des meilleurs qui a été reconnu et propagé dans le monde entier dû à son excellence, hein, tafsir de Cheikh Saadi. Et Cheikh Saadi, hein, subhanallah, il est connu, il a été surtout connu pourquoi ? Parce que c'est le Cheikh de Uthaymin. Parce que c'est le Cheikh de Cheikh Al-Uthaymin. Hein, Cheikh Uthaymin, yani, rares sont ceux les gens qui ne le connaissent pas. Hein. Et donc on connaît Cheikh, beaucoup connaissent Cheikh Saadi parce que c'est le Cheikh de Cheikh Al-Uthaymin. Subhanallah. Des fois, hein, il y a des chouyours, on les connaît par leurs élèves. Des fois, il y a des chouyours, on les connaît par ses chouyours. Ou un Cheikh, c'est le Cheikh, c'est l'élève de tel Cheikh. Hein, etc. etc. Al-Muhim. Cheikh Saadi dit وقيل أسفل السافلين يعني أسفل النار موضوع العصاء والمتمردين على ربهم. Hein, il dit أسفل السافلين, c'est-à-dire au plus bas degré de quoi? Du feu de l'enfer, du nar, hein, qui est l'endroit où il y aura donc les pécheurs, les transgresseurs et ceux qui ont désobéi, hein, à leur Seigneur. طيب المهم. ثم قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون هذا استثناء من قوله ثم رددنا أسفل سافلين. Ensuite il dit sauf ceux qui ont cru et qui ont œuvré avec les œuvres pieuses, hein, alors ceux-là auront une récompense غير ممنون, hein, c'est-à-dire interrompue, naam, et qui ne s'arrête pas. Ininterrompu, hein, c'est ça, je trouvais que c'était bizarre. Ininterrompu. Naam. Ici, c'est l'exception. L'exception du verset d'avant. Quand vous voyez illa, en général, illa, c'est un mot en arabe pour mentionner une exception, sauf. N'est-ce pas qu'on dit, vous le dites tous les jours. Vous dites quoi tous les jours ? La ilaha illallah. La ilaha. Pas de divinité d'être adoré. Illa. Illallah, sauf Allah. Donc illa indique quoi ? L'exception. Là, c'est quoi l'exception ? Hein ? Que Allah retournera l'insan à son plus bas niveau, sauf. Sauf qui ? Sauf ceux qui ont cru. L'iman. Hein ? Ceux qui ont cru qu'on l'iman. Et on se rappelle que l'iman, il y a combien de piliers ? 6. الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان. الإيمان c'est quoi? Une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une œuvre avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance à Allah et elle diminue avec l'obéissance à Shaytan. Ça, c'est l'Iman. Hein? Et elle a six piliers. La foi en Allah, la foi à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. et qui ont œuvré avec des œuvres pieuses. C'est quoi l'amal salih? C'est quoi l'œuvre pieuse? C'est l'œuvre qui regroupe deux choses, al-ikhlas wa al-mutaba'a, sentum. C'est l'œuvre qui regroupe le fait qu'elle soit vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal et qu'elle soit en accordance, en adéquation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين. C'est-à-dire que excepté le croyant ou les croyants qui ont cru et qui ont œuvré avec les œuvres pieuses, ceux-là ils ne retourneront pas au plus bas niveau. لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا. Pourquoi? Parce que ceux-là ils s'accrochent à leur foi, à leurs œuvres. Et donc ils resteront ainsi jusqu'à qu'ils meurent. Jusqu'à qu'ils meurent. وَقَوْلُهُ فَلَهُمْ أَجْرٌ أَيْ ثَوَابٌ. Ils auront une récompense. Al-ajr ici c'est quoi? Bimana ثَوَاب. La récompense. غَيْلُ مَمْنُونَ غَيْلُ مَقْتُوعٌ. Qui n'est pas quoi? مَقْتُوع. Qui n'est pas coupé. Il y en a qui n'est ininterrompu. Une récompense continuelle, qui ne s'arrête jamais. Allahu Akbar. Une récompense qui ne s'arrête jamais. C'est quoi la récompense qui ne s'arrête jamais? Al-Jannah. Al-Jannah, le paradis. Wala mamnoun bihi aydan. Fa kalimatu mamnoun salihatun li ma'na al-qat'a wa salihatun li ma'na al-minna. Fa hum lahum ajrun la yanqati' wa la yamunnu 'alayhim bihi. يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله لكن لا يمن عليهم به أي لا يؤذن لا يذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة يقول فعلت بك أعطيتك وما أشبه ذلك. Et donc ممنون il a deux sens dans la langue arabe. Il peut dire ce qui ne s'interrompt jamais. Ou même nous, le fait qu'on te reproche ou qu'on te rappelle ce qu'on a fait, ce qu'on t'a fait. D'accord? Donc les deux sens sont possibles. C'est-à-dire que tu as une récompense qui ne s'arrête jamais, ininterrompue, ou alors que tu as une récompense qu'on ne va jamais te reprocher ou qu'on va te rappeler. Comme si tu avais ta récompense et on t'aurait dit, on t'a donné cela, on a fait ça pour toi, on a fait ça pour toi. Non. Quand tu auras le paradis, on ne va pas te dire on a fait ça pour toi, on t'a donné. Allah ne va pas dire je t'ai donné ça, je t'ai fait. Non, Reil ou Mamnoun. Mamnoun, il veut dire ça aussi. Vous comprenez? Comme par exemple ce qui se passe dans la dunya. Des fois, dans la dunya, subhanallah, y a quelqu'un qui fait une bonne chose pour toi. Il te fait une bonne chose. Chaque fois que tu le vois, chaque fois qu'il y a un événement, il dit mais j'ai fait ça pour toi. Je t'ai donné ça. Et moi j'ai fait ça, etc. Il te rappelle sur. C'est ça quand on dit Reil ou Mamnoun, il n'y aura pas ça. Je sais pas. C'est pas trop reproche, mais c'est ce fait de rappeler, en fait, rappeler les faveurs qu'on t'a fait. Donc Mamnoun, il a ces deux sens. Fahimtoum. Moumtaz. Thumma qala tabaraka wa ta'ala fama yukadhibuka ba'du bid-din. Intaqala Allah ta'ala min al-kalam ala wajh al-ghaiba. والغيبة pardon إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب. Ici maintenant Allah nous dit dans cet avant-dernier verset de cette sourate, après cela qu'est-ce qui te fera traiter de mensonge? Et là Bid-Din, on va voir qu'il y a deux avis. Donc là après qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnait l'être humain à la troisième personne, Hein, il disait, on a créé l'être humain. Ensuite, on le retournera hein, au plus bas niveau. Ça, c'est à la troisième personne. Maintenant, il s'adresse à lui directement. Hein? Il s'adresse à lui. Maintenant, il s'adresse à lui directement. Qu'est-ce qui te fera rendre mensonger? Quelle chose te fera rendre mensonger cela, toi l'être humain, après qu'on t'ait clarifié cela? Après qu'on t'ait clarifié cela. Bid-din, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit quoi? Ay bima amal Allah bihi min ad-din. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans la religion. Ça, c'est un des sens. Un autre sens, qila ay bi yawm al-jaza. Ad-din aussi, comme dans Surat al-Fatiha, maliki yawm al-din. Yani yawm al-jaza. C'est-à-dire le jour de la rétribution. Donc là, on peut. Il y a deux explications sur Bid-Din. Celui qui traite de mensonge, ce que Allah Azza wa Jal a ordonné dans sa religion, ou alors celui qui traite de mensonge le jour de la rétribution. Les associateurs, l'époque de Quraysh, traitaient de mensonge, quoi ? Le jour de la rétribution. ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته وأن الله اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به رسله. Et donc, pourquoi cela? Que l'être humain réfléchit et regarde, observe sa fitra, ou plutôt sa propre personne. Lorsque l'être humain observe et réfléchit et regarde sa propre personne, il regarde d'où il vient, il regarde comment est sa, justement sa fitra, son sens inné, etc. À chaque fois qu'il réfléchit, qu'il regarde ceci, et qu'il voit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et Allah lui a donné la meilleure des apparences et la meilleure des fitras, alors ceci fait quoi? Qu'est-ce que ça fait ceci? Ça augmente la foi. Ça augmente la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on regarde notre apparence, notre corps, on voit comment Allah nous a créé subhanahu wa ta'ala. On voit des choses extraordinaires. Les veines, les artères, les os, les articulations, les organes, les doigts, la façon dont ils ont les yeux, où ils sont positionnés, les oreilles, etc. Si chacun réfléchit sur ça, sa foi augmente. Ou alors si on revoit sur notre fitra justement. Comment est notre fitra? L'amour que la mère a pour son fils ou son bébé. Ce qu'on ressent quand on a peur. Ce qu'on ressent quand on a l'espoir, etc. Toutes ces choses, quand on y réfléchit, ceci augmente notre foi. Combien de personnes se sont converties à l'islam, justement, en réfléchissant, en méditant sur la création et sur comment Allah Azza wa Jal a créé l'être humain de la façon la plus parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Et ceci augmente quoi? Le fait qu'il rend véridique le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les informations sur ce quoi ont rapporté les messagers. ثُمَّ قَالْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage des juges? Yani ceci est une question. وَهَذَا الْإِسْتِفَامِ لِلْتَقْرِيرِ يُقَرِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنَّهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Ici, c'est une question afin de quoi? D'approuver. Allah ici veut approuver, il veut affirmer que quoi? Subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le plus sage des juges. Wa ahkam huna ismu tafdil wa huwa ma'khudh min al-hikma. Ici, ahkam, c'est ce qu'on appelle ismu tafdil dans la langue arabe. C'est-à-dire un nom de supériorité. Quand on dit le plus fort, le plus moche, le plus joli, le plus riche, le plus pauvre, la supériorité, ismu tafdil en arabe. afdalu, ahsanu, hein, afqaru, atwalu, akbaru, hein, asgaru. Ceux qui ont fait de l'arabe, ils savent de quoi on parle. Hein, et qui est pris du mot hikma, la sagesse. Wa min al-hukm. Wa al-hukm, c'est le jugement. Fa al-hukm al-akbar al-a'zam alladhi la yu'aliduhu shay, wa hukm Allah azza wa jal. Hein, et le jugement, le plus grand jugement, le plus immense, le plus extraordinaire des jugements. Celui que aucune chose ne peut venir contredire. C'est quel jugement ? Le jugement d'Allah Azza wa Jal. والحكمة العليا البالغة هي حكم هي حكمة والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا. Hein? Et la sagesse la plus haute, hein? La plus exceptionnelle, c'est quoi? C'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage, hein, des juges subhanahu wa ta'ala, hein, que ce soit au niveau de son rang ou au niveau, hein, de la législation subhanahu wa ta'ala. وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله عفوا يرجع الأمر كله. Et c'est lui donc qui a le jugement, hein, et c'est vers lui que toutes les choses reviennent subhanahu wa ta'ala. Et donc là, hein, le shir, il termine la surat et il fait du'a, نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه على كل شيء قدير. Avant de terminer, il y a juste quelque chose que j'aimerais apporter en plus. Hein, c'est que des fois, lorsque l'imam termine, il dit أليس الله بأحكم الحاكمين, on entend des personnes qui disent Bala. Hein, Bala. Donc quel est le jugement sur le fait de dire Bala après ce verset, hein? Ceux qui mentionnent, hein, la permissibilité de cela, ou le fait de dire Bala, Bala ça veut dire, en fait, pour remettre les choses dans le contexte, pour les non-arabophones, quand on pose une question négative, n'est-ce pas que Allah, là c'est une question négative, si on veut affirmer, on dit quoi? Bala, ça veut dire oui en arabe, d'accord? Si je dis oui, bien sûr. N'est-ce pas que Allah est le plus sage des juges? Bien sûr, bala. D'accord? Donc en gros, ils répondent ici, quand ils disent bala dans la prière, après que l'imam ait récité ceci. En fait, ils se basent sur un hadith. Jaha, inda Abi Dawood wa Tirmidhi. An Abi Hurayra radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qara'a minkum wa tin wa zaytun, fantaha ila akhiriha, alaysa Allah bi ahkam al hakimin, falyaqul bala. وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرها لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقول بلى ومن قرها والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقول آمنا بالله وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي. Il se base sur un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, dans lequel Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, hein, a dit, celui d'entre vous qui lit Wattini wa Zaytoun, hein, et qui termine la sourate et qui dit à la fin de la sourate, hein, Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, alors qu'ils disent Bala. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Bien sûr, et je suis, hein, sur ça, hein, parmi les témoins ou parmi ceux qui témoignent de cela. D'accord? Et dit, et si il lit la sourate لَا أُقَسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, hein, sourate Al-Qiyamah, et qu'il arrive, hein, au verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى, alors qu'ils disent بلى. Et celui qui lit sourate Al-Mursalat, hein, et qu'il arrive au verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne فبأي حديث بعده يؤمنون, alors qu'ils disent آمنا بالله, hein, et nous avons cru en Allah. D'accord? Donc, il base sur ce hadith. Hein? Mais ce hadith, fait isnaduhu rawin majhoul, wa qad da'afahu jam' min al-a'imma, kat-Tirmidhi, wal-Nawawi, wal-Albani, rahimahumullah. Hein? Mais ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith n'est pas authentique. Il est faible, car dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur, hein, qui est majhoul, c'est-à-dire qui est inconnu. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui a rapporté. Donc, on ne peut pas le prendre. On ne sait pas s'il a dit la vraie ou s'il a menti, etc. D'accord ? Donc, hein, selon, donc il n'y a pas de preuve, hein, il n'y a pas de preuve, hein, les ulémas ont rapporté qu'il n'y a pas de preuve, hein, authentique dans la sunna sur le fait de dire bala après le dernier verset de surat At-Tin, d'accord, malgré le fait que comme Al-Malikiya ou Al-Hanabila, hein, ils l'ont permis, ils ont dit c'est permis que celui qui est derrière l'imam et qu'il entend l'imam réciter alayhi dhalika biqa ils l'ont permis, mais hein, on se base sur les preuves et ceci est une adoration, donc hein, tant qu'on n'a pas de preuves authentiques, on ne peut l'affirmer. Quant à la sourate, hein, Al-Qiyama, hein, et sur le fait de dire bala après on le verra lorsqu'on fera le tafsir de sourate Al-Qiyama, est-ce que ceci a été rapporté dans un autre hadith ou non, hein, Inch'Allah, on verra à ce moment-là bi'idhnillah. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا إلى السمين البرشان إن شاء الله سورة الشرح إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته